بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. J'en jure par cette cité. وأنت حل بهذا البلد. Où il est licite de combattre tes ennemis. ووالد وما ولد. Par le primogéniteur et ce qu'il a engendré. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Nous avons certes créé l'homme, livré à l'adversité. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. S'imagine-t-il que personne ne pourra rien contre lui. يقول أهلكت مالا لبدا. J'ai prodigué, dit-il, une énorme fortune. أيحسب أن لم يره أحد. Croit-il donc que personne ne l'a vu. ألم نجعل له عينين. Ne lui avons-nous pas donné deux yeux. ولسانا وشفتين. Une langue et deux lèvres. وهديناه النجدين. Ne lui avons-nous pas montré les deux voies. فلقتحم العقبة. Or, il n'a pas osé affronter la voie pentue. وما أدراك ما العقبة. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la voie pentue. فك رقبة. C'est affranchir un esclave. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Ou donner à manger en un jour de disette. يتيما ذا مقربة. Un orphelin de la proche famille. أو مسكينا ذا متربة. Ou un pauvre erre qui couche à même la terre. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. C'est aussi de ceux qui croient, se recommandent mutuellement la patience, et se recommandent mutuellement la commisération. أولئك أصحاب الميمنة. Ceux-là sont les gens de la textre. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Quant à ceux qui nient nos signes, ce sont les gens de la senestre. عليهم نار مؤصدة. Sur eux, de toutes parts, se refermera le feu de la géhenne.